Elle voyait en bas la mer contre les rouges et s'écrasait les vagues qui l'hypnotisaient sous ses cheveux détrempés. Les larmes ont coulé, vraiment je crois qu'elle voulait sauter. Faut-il qu'elle l'ait aimé pour vouloir s'envoler vers une telle destinée? Attends, ne saute pas, reste là. Connais-moi, connais-moi, connais-moi, prends-moi dans tes bras. Au bord de la falaise, je voyais en bas la mer, loin était son regard de braise. Ne restait plus que les regrets, je reviens souvent ici. D'où tout est parti, nous y avons presque atteint l'infini. Voilà qu'aujourd'hui, le vide m'attire depuis qu'elle est repartie.